Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Ça me fait plaisir de vous voir ici ce soir pour parler de la souffrance. Souffrance que je côtoie moi tous les jours par mon travail de médecin. Souffrance physique évidemment et surtout souffrance psychologique. Combien de fois on nous demande de pallier à la souffrance et combien de fois je n'ai pas de réponse claire. J'espère que ce soir, on réussira à avoir des réponses claires sur différents thèmes de la souffrance, parce que le mot souffrance en tant que tel, c'est pas ça qu'on veut traiter. C'est le vécu de la souffrance. Accueillons donc ce soir Daniel Kemp. Bonsoir Daniel. La souffrance, c'est la rançon presque inévitable de la vie, de l'évolution. Il faut donc absolument passer par la souffrance pour évoluer. Ça, c'est une bonne philosophie. On n'a pas le choix. Je connais pas personne qui a pas souffert à date. Tu connais pas tout le monde. C'est vrai que je choisis pas le monde qui vient de me voir, mais qu'est-ce qu'on peut faire franchement contre la souffrance psychologique? Parce que la souffrance physique, je pourrais t'en parler, mais la psychologique, c'est agaçant un peu. La souffrance physique, est-ce que tu arrives à bien la traiter? La contrôler. Alors, je pourrais dire, comme toi, on va donc parler de comment contrôler la souffrance psychologique. Parfait, ça rentre dans ma longueur d'onde. On va définir avant ce qu'est la souffrance psychologique. Pour les personnes rapides, j'ai déjà défini la souffrance comme étant le refus d'une mémoire à se transformer. Bon, alors en partant, ça définit toute forme de souffrance, qu'elle soit spirituelle, amique, astrale, mentale, qu'elle soit physique, psychologique, etc. Sauf que c'est une définition qui est intéressante, qui peut être apprise à un moment donné, mais qui ne sert pas nécessairement à éliminer ce phénomène. Alors, Claude dit que la souffrance est peut-être l'une des conditions inéluctables à la vie. Ce qui est intéressant de comprendre, c'est que la souffrance, on peut peut-être, disons, clarifier un peu, c'est peut-être un phénomène inéluctable à l'évolution et non pas à la vie. Parce que si on prend un ver de terre et qu'on le coupe en deux, il continue à vivre et il n'a pas l'air à trop souffrir. Il va continuer à bouffer, il va continuer à se promener, donc sa vie psychologique n'est pas aliénée ou arrêtée par le fait qu'on l'a coupé. Si on regarde des êtres humains qui ont une évolution neuronique, biologique ou psychologique, disons spirituelle pour certains, peut-être un peu en retard sur nous ici, on va se rencontrer qu'ils souffrent beaucoup moins. À un moment donné, j'étais dans un Boeing, un avion, et il y avait à bord des personnes qui étaient d'une race qui n'a pas génétiquement la possibilité de recevoir une conscience comme la nôtre. Maintenant, certains humains vont dire que, bon, Daniel Kemp est raciste. Effectivement, Daniel Kemp est raciste, c'est-à-dire qu'il n'est pas raciste en ce sens qu'il y a des races sur la planète qu'il n'aime pas. Sauf qu'il n'est pas raciste, dans le sens qu'on l'entend, mais il y a des personnes qui ont la possibilité de savoir des choses. Il y a des personnes qui ont la possibilité de finir par savoir ces choses. Et il y a ceux qui ne peuvent pas comprendre. Ceux qui ne peuvent pas comprendre peuvent comprendre le lendemain matin. Donc, le racisme de Daniel Kemp n'est pas un racisme ad vitam aeternam, simplement. Si à un moment donné, j'explique quelque chose que, je prends l'exemple toi, tu n'arrives pas à comprendre, et c'est que tu fais donc partie pour l'instant de ceux qui ne peuvent pas comprendre ce que j'ai à dire. Alors, j'arrête de parler. C'est fini là. Dans une heure, peut-être que tu peux comprendre. Demain, peut-être que tu peux comprendre. Peut-être que tu seras dans 50 ans, ça n'a rien à voir. Il y a donc des peuplades sur la planète qui ne peuvent pas comprendre ce que les peuplades du Québec comprennent. Et c'est tout à fait normal, on ne peut pas demander à ceux qui sont en Éthiopie de comprendre toute la problématique lorsque notre vidéo a les têtes de lecture sale. Ben, il ne pourra pas comprendre que l'humain souffle là-dedans. Il y a donc une vie ici, un milieu, une société qui permet une conscientisation X, et en Éthiopie, on aura une conscientisation Y. Il y a une nuance et il y a différentes choses. La génétique aussi est importante. On ne peut pas dire qu'une personne qui... par exemple, vit à Haïti, est moins évoluée qu'au Québec. On parle de la race blanche, la race mère blanche, qui présentement est en train de s'éteindre pour laisser naître la race nouvelle, la race bleue. faut comprendre que la race blanche n'est pas une race cutanée blanche, mais est une race neuronique blanche. Et le terme blanc est un terme pour désigner, pour différencier les différentes races. Alors, un Haïtien peut faire partie de la race blanche, neuronique. Toutes les races cutanées peuvent faire partie de la race blanche. Et toutes les races cutanées peuvent ne pas en faire partie. Alors donc, dans cet avion, à un moment donné, il y a un enfant de 3 ans à peu près qui a une évolution normale pour ce peuple à 3 ans. Et la mère aussi, elle est tout à fait archétypée, c'est une femme ancienne. Elle est en train de manger de la nourriture dans l'avion. Et puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui lui parle. Alors elle mange à une vitesse folle parce que l'estomac, la gustation est très importante. Ça sécurise la mère, donc elle ne souffre moins. Et là, elle mange, et tout d'un coup, quelqu'un lui parle. Elle arrête carrément de manger, la bouche pleine, puis elle écoute. Elle peut pas faire 2 choses en même temps. Bon. Maintenant, lorsque c'est fini, elle continue à manger. Sa souffrance, elle va être apparente comment? À un moment donné, elle prend son petit gars de 3 ans, et puis là, elle échappe quelque chose à terre. Alors, elle se penche, puis elle écrase carrément la tête du petit gars sur le banc en avant. Mais carrément écrasée, elle est là, puis elle a de la misère à aller chercher, puis elle pousse. Elle pousse pour aller chercher, puis le petit gars, il est tout écrasé, tout croche, puis il dit rien, il a la charge toute de faute. Il dit rien. Pourquoi il ne souffre pas? Il n'a pas encore conscientisé, son corps ne lui transmet pas, et sa psychologie ne peut pas lire la réaction cérébrale. Alors, il est tout écrasé, la mère pousse, elle réussit à le ramasser, puis elle relève. Puis l'autre, il est là, tout perdu, puis il comprend pas ce qui s'est passé, mais il souffre pas. Mais tu veux nous dire que la souffrance est directement liée à la conscience. Il faut être conscient. Exactement. Oui, il faut être évolué. Et la souffrance est plutôt liée à l'évolution qu'à la vie. Le même enfant, à un moment donné, il est debout dans l'allée de l'avion, puis son père est là, il y a un paquet de gens qui passent, le bonhomme, il recule, puis il accroche son petit gars, il tombe ses fesses carrément à terre. Il est haut de même, à terre. C'est plein de grandes jambes. Pour la cassette, là, il y a un pied de haut. Bon. Et puis, là, il y a du monde qui passe à côté, puis l'enfant, il est là, il regarde les grandes jambes qui pourraient l'écraser. Il fait rien. Aucune conscience. Mais il ne souffre pas. Il n'a même pas peur. Il comprend pas. Le père ne voit pas. Il place le bébé. Il fouille en haut. La mère, même chose. À un moment donné, ben là, quand ils ont placé les bagages, ils cherchent les enfants. Là, ils ramassent le petit gars, puis ils se reçoivent avec. À un moment donné, en Amazonie, on a un enfant qui est dans le dos d'une personne. Il y a un bonhomme qui passe avec une grosse planche, puis qui l'accroche en pleine face. Paf! Là, le petit gars, il est là encore, puis là, il cherche qu'est-ce qui lui arrive. Mais il n'y a aucune souffrance. C'est une farce plate. Ah oui, très. Comme la planche. Alors donc, ça paraît un peu ridicule de dire que la souffrance n'est pas liée à la vie. Elle est liée à l'évolution. Explique-moi ça, là. Ouais. T'as des personnes qui... Il y a 2 formes d'évolution. Disons qu'il y a plusieurs formes d'évolution. Il y a l'évolution darwinienne, l'évolution adaptative, la tortue qui a une carapace molle si elle vit sous l'eau, qui a une carapace dure si elle vit là, et qui, etc., etc. La tortue qui a plus de carapace, plus de pattes, plus des ailes, ça veut voler. Bon, l'évolution darwinienne. Il y a l'évolution améliorative, celle de l'homme. Une évolution qui fait que l'homme, au lieu de s'adapter à l'extérieur, adapte l'extérieur. Ce qui est tout à fait différent de l'évolution darwinienne, les animaux s'adaptant à l'extérieur et n'adaptant pas à l'extérieur. Maintenant, il y a, dans l'évolution humaine, il y a l'évolution de l'âme, l'évolution psychologique. Bon, l'évolution de l'âme, l'âme étant une sphère qui est régie par de l'énergie vitale et dans laquelle va s'accumuler toutes les mémoires que l'être humain va pouvoir, disons, gober, avaler au cours de sa vie, de la naissance, disons même de la procréation, aller jusqu'à la mort et même un peu au-delà. Et dans ces mémoires, à un moment donné, va naître de l'auto-expérience, de l'expérience amique qui va donner naissance à de l'émotion, qui va donner naissance à des désirs. Et la relation entre la mémoire, le désir et l'émotion est la psychologie. Maintenant, il y a l'évolution donc de l'âme. L'évolution de l'âme peut se faire de plusieurs façons. Il y a l'évolution qui va être une évolution orgueilleuse, une évolution d'ego. C'est-à-dire que l'âme recherche à être de plus en plus puissant. Alors, on peut faire des haltères, on peut devenir... on peut se imiter quelqu'un. On essaie d'être de plus en plus tough. On essaie... Alors, on va sacrer pour ça, si ça sous-tend de la puissance. Sinon, ben on va dire d'autres choses. Mais c'est pas naturel d'être comme ça? Oh, c'est normal. C'est pas naturel, c'est normal. Bon. Alors, ce qu'il faut comprendre, donc, il y a cette évolution. Il y a une évolution au niveau de l'âme qui peut être plus spirituelle. Il y a l'évolution morale, il y a l'évolution sociale, il y a l'évolution spirituelle aussi, qui fait que l'humain va rechercher l'explication de sa présence. L'évolution de l'ego ne recherche pas l'explication de sa présence, il est le nombril du monde. L'évolution spirituelle fait que l'humain commence à penser que la race est peut-être le nombril du monde, mais plus lui. C'est-à-dire que l'évolution de l'ego va être lui-même. Là, dans l'évolution spirituelle, on va automatiquement, parce que là, il y a plus de conscientisation, c'est-à-dire que c'est un palier plus vibratoire de l'âme qui commence à résonner. Alors, évidemment, l'humain découvre qu'il existe. L'humain découvre que la souffrance existe, tandis que celui qui a de l'ego ne sait pas que la souffrance existe. On parle évidemment d'un être qui n'a pas d'évolution spirituelle, mais une évolution qu'égoïque. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu lui voles quelque chose, il va être en beau maudit, il va sacrer, il va tout casser, il va te sauter dessus, il va te battre. Mais dans sa tête, il ne souffre pas. Il ne pleurera pas parce que tu voles quelque chose. Il va vouloir vivre plus longtemps pour se venger. Bon, alors ce genre de souffrance, on l'a connu évidemment dans le passé. La haine, la vengeance faisait vivre les gens plus que l'amour. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'introspection là-dedans. Exactement. Il n'a pas conscience qu'il souffre. Donc, il ne souffre pas. Et ça, c'est très, très important. Maintenant, on a l'évolution spirituelle qui, elle, fait dire à un moment donné que là, l'être humain, dans cette évolution, finit par être plus sensible. Étant plus sensible, c'est évident que la moindre petite chose est perçue à sa conscience. La moindre petite chose étant perçue peut engendrer chez lui une frustration qui va aussi porter le nom de souffrance. L'être humain va observer que dans la matière, il ne règle pas sa souffrance, donc à ce niveau de l'évolution amique, spirituelle, il va vouloir expliquer cette souffrance par la théologie intuitive. Dans la théologie, on aura des dieux qui protègent pour pouvoir sécuriser l'humain. On aura des dieux de vengeance et de colère pour pouvoir manipuler l'humain. On aura des dieux qui ne peuvent pas faire quoi que ce soit si l'humain ne fait pas les premiers pas. On aura des dieux qui auront besoin d'un échange d'offrandes pour commencer à agir. On aura des clans de dieux. On aura etc., etc. Bon, on aura des dieux qui pleurent, des dieux qui souffrent, le petit Jésus qui a mal au cœur à cause que le petit enfant vient d'écraser une mouche. Bon, des choses comme ça. Mais cette forme de spiritualité-là a été quand même très efficace contre la souffrance. Ça a été absolument efficace, pas contre la souffrance, mais contre le suicide. La théologie de, disons, voilà quelques milliers d'années, parce que ça a commencé avant le Nazaréen, évidemment, ça a commencé, bon, plusieurs milliers d'années, il y a même 30 000 ans. Bon, cette théologie, elle a permis à l'humain de pouvoir différer son bonheur. C'est-à-dire que l'humain ayant toujours ce contexte de souffrance, plus il évolue. Hein, vous savez très bien qu'avant que vous compreniez les choses, ben c'est à moins pire que maintenant qu'il comprend. Plus l'être humain évolue, plus il a tendance à souffrir. Pour des raisons sur lesquelles on va revenir justement. La théologie n'a pas permis de diminuer l'état de souffrance, mais il a permis de donner de l'espoir à l'homme en différant le bonheur dans l'avenir. Au paradis, au nirvana ou quelque chose comme ça. Alors l'humain pouvait, premièrement, ayant une compréhension théologique de la souffrance, les voies de Dieu sont impénétrables, le karma, c'est la vie antérieure, il se passe ceci, il se passe cela. Le fait que l'être humain accepte sa souffrance fait qu'il engendre un peu moins de souffrance psychologique, qui est le karma relatif à l'individu. Alors donc, il y a une souffrance psychologique, mais si l'individu s'illusionne qu'il ne devrait pas souffrir, parce qu'il est trop orgueilleux, il va souffrir deux fois plus. L'un des point pour voir la fin de sa souffrance est évidemment l'anégoïsation, c'est-à-dire le travail vers l'humilisation, la dissolution de l'ego. Y a-t-il d'autres souffrances que la souffrance physique et psychologique? Oui, il y a la souffrance mentale. Alors, je vais juste continuer. On a notre souffrance spirituelle, la souffrance théologique, qui fait que tu as peur de Dieu, qui fait que tu te culpabilises, qui fait que tu as honte, qui fait que tu doutes, qui fait que tu à un moment donné, tu brailles parce que tu ne comprends pas, parce que Dieu te répond pas, ou Dieu te répond. C'est pas psychologique, ça? Ça reste psychologique. C'est la souffrance spirituelle. À un moment donné, l'individu, et c'est le cas de la majorité des humains du Québec, à un moment donné, il s'assoit sur sa chaise et il se dit « sainte merde ». Parce qu'il invente toujours de nouveaux saints. Et il dit « je me suis fait avoir ». Ça fait... Mais ça n'a pas de sens. Puis là, il commence à réfléchir, puis il se dit « tabarnouche » ou ben non. Et puis là, il se rend compte que quelque part dans le temps, on a profité de son ignorance pour le manipuler à faire ou à croire ou à étudier ou à respecter des choses qui, présentement, dans l'état où il est assis sur sa chaise, n'ont aucune intelligence. Que la souffrance mentale va commencer lorsque l'humain découvre le phénomène de la manipulation. La manipulation, ça veut dire que l'humain va dire « Sacrebleu, j'ai passé tous les dimanches de ma jeunesse à aller à l'église, alors que finalement, je n'ai jamais su pourquoi j'y allais. » L'église, ça peut être très bon, ça a sauvé énormément d'individus. Alors, c'est pas contre l'église que l'humain en a. À un moment donné, il va dire que c'est contre l'église, parce qu'il est trop orgueilleux pour dire que c'est contre lui. Mais l'humain va dire, tu sais, la question intelligente, j'ai passé 15 ans de ma vie à aller à la messe et j'ai jamais su pourquoi. C'est là le problème. J'ai jamais su pourquoi. La dépendance. Oui. Là, la souffrance mentale commence parce que l'humain vibre, puis là, il découvre une substance neuve, l'intelligence. L'intelligence, elle oblige l'homme, la femme et l'enfant à savoir pourquoi il agit. Étant donné que l'homme, la femme, l'enfant commence dans son évolution de conscientisation par un premier palier, qui est celui de la découverte de la manipulation, Tant que tu ne comprends pas la manipulation, tu peux pas devenir ton seul maître, c'est-à-dire que tu ne peux pas te sortir des religions collectives ou des religions organisées. Le terme religion organisée est important. La religion, elle a son utilité et elle a eu une utilité majeure. Mais à un moment donné, la religion doit amener l'humain à évoluer et quand l'humain arrive au top de la religion, elle doit passer à d'autres choses. Bon, c'est-à-dire que la religion doit relier l'homme. Lorsque l'homme est relié, il n'y a plus besoin de la technique, la religion. Ça va de soi. Maintenant, ce qui arrive, c'est que l'être humain doit découvrir la manipulation et lorsqu'il découvre la manipulation, il la découvre normalement, non pas dans l'instantanéité de ce qu'il vit, mais dans ses mémoires. Donc, il la découvre que dans le passé. Ma mère, mon père, ils m'ont toujours manipulé. Là, je suis médecin, puis c'est pas ça que je voulais faire. Bon, l'Église, les psychologues, les psychiatres, les médicaments que j'ai pris, ma femme, mon mari, mes enfants, mon employeur. Quand je rentre dans le bureau de mon patron pour demander quelque chose, ben le bureau mesure 50 pieds de long puis est assis au bout de là-bas. Fait quand je rentre, j'ai l'impression d'être tout nu le temps que je m'avance jusqu'à lui. Quand j'arrive en avant du bureau, ben là, je sais plus ce que je fais là. Là, je me fais dans un gros fauteuil confortable qui dégonfle au fur et à mesure que je suis dedans. Là, le bureau monte lentement, puis là, je me ramasse ici. Puis là, faut que je demande une augmentation à mon patron. Là, je m'excuse d'être là, puis là, je me lève, puis je m'en vais, puis j'ai 50 pieds à faire de dos au patron. J'ai-tu l'impression qu'il me check? Là, tu sais pas si ta queue de chemise dépasse, tu sais plus rien, puis tu t'en vas. Puis quand t'es sorti de là, tu penses que t'as fait une initiation majeure. Bon. Et là, tu t'assois, puis tu te dis, je suis tanné d'être manipulé. Je suis tanné de ne pas vivre ma vie. C'est ça, la souffrance mentale. Alors ça, c'est un autre palier de souffrance qui, normalement, engendre le suicide. C'est rare la souffrance psychologique qui engendre le suicide. La seule souffrance psychologique qui engendre le suicide, c'est la souffrance par le néant. Il n'y a plus rien à souffrir, c'est-à-dire que l'humain, toutes ses bases sur lesquelles il s'appuyait sont apparemment parties. Et là, l'humain n'a plus rien. Souffrance psychologique qui peut engendrer le suicide. Mais normalement, le suicide est engendré par une souffrance mentale. Donc, c'est les paliers de souffrance qu'on a présentement. La souffrance biologique, qui va être la lecture corporelle d'une détresse physique normalement. Et celle-là, elle est amenée au corps physique, au corps cérébral. Tu connais le cheminement. Et la personne va donc avoir cette souffrance. Cette souffrance physique ne fait pas souffrir énormément. La souffrance physique, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle induit dans le cerveau une répétition mémorielle, étant donné que l'âme, quoi qu'il ait besoin de se nourrir d'une mémoire similaire, a nécessairement besoin du changement. Qu'est-ce qui fait souffrir au niveau de la souffrance physique? C'est la durée de la souffrance physique. Une personne va faire une dépression si elle souffre trop d'un mal de dents. Une personne va faire une dépression si elle souffre trop de mal de dos. Mais ce n'est pas le mal de dents ou le mal de dos qui dérange énormément la personne. C'est la durée de la souffrance physique dans son cerveau et cela va être induit dans sa psychologie, donc dans son âme. Et là, l'ego va vibrer cette alimentation régulière et sur laquelle il n'a pas de contrôle, ce qui fait qu'à un moment donné, par frustration égoïque, là, l'ego commence à vivre une deuxième souffrance, la souffrance psychologique. Et normalement, c'est la souffrance psychologique résultante d'une souffrance physique qui va faire qu'un individu se déplace pour aller voir un médecin. Mais ça sera rarement une souffrance physique juste comme ça. Bon. Donc, la souffrance physique, ce n'est pas le problème de l'humanité. La souffrance physique, premièrement, elle se règle par le médicament. On a suffisamment de médicaments qui vont annihiler carrément la communication d'un neurone sensitif vers le cerveau, ce qui fait que l'être humain ne saura pas qu'il souffre, même s'il a les deux jambes en gangrène ou même, etc. Donc, la souffrance physique se règle facilement par la matière. Le corps physique est de la matière elle peut régler le problème de souffrance physique. Maintenant, est-ce qu'elle guérit, c'est autre chose. On parle de la souffrance, on ne parle pas évidemment de la santé. Alors, en fin de compte, le problème de l'homme, ce n'est pas la souffrance physique, c'est la souffrance psychologique et la souffrance mentale pour les personnes transitives. Pour comprendre ce maudit mécanisme et pour voir la fin de sa souffrance d'une façon pratique, après la conférence, vous allez encore souffrir. Ce que j'aimerais, c'est que vous puissiez voir la fin. De comprendre que la fin, ça se peut. Qu'à un moment donné, effectivement, on peut cesser de souffrir. On va expliquer une mécanicité intéressante, les écluses. Bon. On a soit l'océan Pacifique et l'océan Atlantique qui se relient à un moment donné, mais ils sont divisés par un continent. Et à la hauteur de Panama, on a des écluses, une rivière, un canal, des écluses. L'océan Pacifique est beaucoup plus haut que l'océan Atlantique. Ça se peut pas, comme tel. Parce que les deux océans se relient aux deux extrémités des continents, mais il se trouve qu'au milieu, l'océan Pacifique est quand même plus haut que l'Atlantique. Alors, lorsqu'un bateau arrive de l'Atlantique, il veut aller chercher un degré énergétique potentiel, celui du Pacifique. Il veut donc évoluer. Il veut monter pour s'en aller sur le Pacifique. Maintenant, le bateau lui-même va arriver et normalement, il y aurait des grandes cascades, des chutes, comme les chutes du Niagara. On a évidemment des écluses là aussi. Alors, ce bateau doit attendre que les vannes de l'écluse s'ouvrent. On fait rentrer le bateau et on ferme les vannes. Ça prend du temps. L'impatience du bateau devient une souffrance. Lorsque le bateau est dans l'écluse, ben les écluses sont hautes. Il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. Le bateau, le temps qu'il est là-dedans, il comprend plus du tout ce qui lui arrive. On va venir tout à l'heure avec le parallèle avec l'humain, là, mais faites-le en même temps que je l'explique. Là, à un moment donné, l'humain va dire « Oui, mais j'aimerais ça, moi, que Dieu se garoche pour me sauver. » Le bateau est ici. Les vannes sont hautes comme ça, puis il y en a d'autres. Qu'est-ce qui arrive si on ouvre les portes ici? Toute l'eau s'engouffe là-dedans, le bateau, il n'y en a plus. C'est la même chose pour l'homme. Alors, on doit ouvrir des vannes en bas, avec des pompes, qui vont amener de l'eau lentement, et lentement, le bateau, le niveau de l'eau va monter, et le bateau va monter. Lorsque le bateau arrive au niveau de l'écluse d'en haut, là, les portes peuvent s'ouvrir, et évidemment, le bateau ne sait pas que les portes s'ouvrent, parce qu'il n'y a pas d'apparence au niveau de l'eau, c'est sûr, le niveau est le même. Là, les portes s'ouvrent, les portes tant attendues s'ouvrent, mais là, le bateau, il les voit plus. Et là, il avance. Il monte l'autre écluse, par le même principe, il avance. Il monte l'autre écluse, il avance. À un moment donné, il est dans un long canal qui l'amène jusque sur le bord du Pacifique et là, on recommence l'amusement. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que si on prend l'idée, revenons au point de vue de l'évolution, l'océan Pacifique, c'est l'énergie supramentale, l'esprit saint pour certaines personnes. L'océan Atlantique, c'est l'être humain au niveau de l'âme, au niveau du ciel, au niveau de la terrestrification, au niveau de son point de vue présent planétaire. L'humain veut évidemment augmenter son quota d'énergie. C'est l'une des fonctions de l'homme d'augmenter son quota d'énergie. Évidemment, sa circulation énergétique. On appelle ça de l'évolution. Bon, une personne qui est down, donc est en dépression, manque d'énergie. Si tu la bouges, tu y parles, tu y montes, elle monte. Alors, notre personne, elle se présente devant la vie et elle demande à la vie de la laisser pénétrer dans quelque chose qui va peut-être, à un moment donné, l'amener à augmenter son potentiel d'énergie. L'individu est de toute façon amené là, qu'il le veuille ou non. Maintenant, à chaque... Il y a des différentes écluses. Certains sont rendus à cette écluse-là, d'autres à cette écluse-là, d'autres à l'autre là-bas, etc. Maintenant, l'être humain ne doit pas se dire supérieur égoïquement à l'autre là, parce que c'est pas l'ego qui évolue. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que notre humain, dans la vie, demande à la vie des choses. Lorsque, à un moment donné, il choisit, tu choisis un métier, tu choisis d'aller à l'école, tu choisis telle femme, tel homme, tu choisis tel auto, tu choisis telle maison, tu choisis telle situation planétaire, tu choisis... À un moment donné, on fait des petits choix comme ça. Et le reste de notre vie va découler de ces choix-là. Enfin, dépendant des écluses qu'on aura pris, ben la souffrance va venir à un moment donné quand tu te dis « Sacrableu, c'est pas par Panama, je le passe, c'est par Suez. » Ben là, il y a un maudit problème, là, tu sais. Le canal de Suez est en Afrique, puis le canal de Panama dans l'Amérique. Là, notre être humain veut de l'énergie. Alors, il va pénétrer, on ouvre les grandes portes, la vie ouvre les portes. L'humain pénètre là-dedans, les portes se referment. Puis là, notre humain, il est confronté pendant un laps de temps, soit avec une secte, un paquet de bateaux, soit avec lui-même, soit avec une religion, soit avec ceci ou avec cela. Et il attend le résultat tant promis. Et ce n'est pas un résultat qui va être nécessairement promis par une autorité, par un prêtre, un gourou, un maître. Mais on vous attendait tous quelque chose de la vie. L'être humain recherche le bonheur, l'être humain recherche la paix, l'être humain recherche à savoir pourquoi il est là, l'être humain recherche à comprendre les choses, l'être humain attend quelque chose de la vie. Alors, dans ce foutu écluse où tu as l'immense panneau, il vient un temps où tu ne sais absolument plus où ce que t'es rendu. Quand tu étais sur l'océan Atlantique, ben, tu avais une vue. Or, tu pouvais te dire, je suis rendu à telle place par rapport à tel cap, à telle montagne, à tel bateau, à telle affaire. Mais quand t'es dans l'écluse haute, même les étoiles t'en voient plus. Tu ne vois plus rien que des murs et puis là, tu te dis, je me suis fait avoir. La souffrance psychologique va commencer dans la majorité des cas de l'évolution à ce niveau-là. Là, évidemment, on s'attend à avoir un résultat parce qu'on est suffisamment orgueilleux et on s'attend à ce que l'esprit ou l'énergie supramentale nous tombe dessus à grande vanne. Ça détruit l'homme. Alors, lentement, ça rentre par les petites pompes puis lentement, l'humain monte. Sauf que l'humain braille, l'humain chiale, l'humain souffle, l'humain ne veut pas rien comprendre, l'humain marche pas. Quand il est rendu en haut, les portes s'ouvrent, et là, on va dire à l'homme, tu as changé. Et l'homme de répondre, bon, en tout cas, moi, j'ai rien vu. C'est sûr. Le changement est tellement lent que quand les grandes vannes qui l'attendent depuis 10 ans s'ouvrent, ben, il va pas s'ouvrir. Ça paraît pas. Là, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que chaque fois qu'un humain évolue, c'est l'humanité qui évolue. Je viens d'expliquer ça avant. Après ça, on continue avec la souffrance. Lorsque notre bonhomme est rendu en haut de ce phénomène énergétique, il avance. Hein, il reste pas là. Parce que s'il reste là, il va avoir un problème. Il va retomber en bas que les autres. Lorsqu'il est rendu là, c'est ce qui arrive souvent avec les religions, les techniques, les gourous, les maîtres. C'est que tout ça, c'est extrêmement bon. Ça t'amène à un point. Puis quand c'est rendu là, ben, ça redescend à chercher d'autres. Fait que si t'es encore là, tu descends avec. Bon. Alors donc, tu continues à cheminer. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, la vanne qui donne sur l'océan Atlantique, qui est rempli présentement d'énergie supramentale, qui donne donc sur l'âme, sur l'astral, ben ça s'ouvre. Puis tout ce qui est là-dedans, ça s'en va augmenter un petit peu le niveau de l'océan Atlantique. Donc, chaque fois qu'un individu monte, quand ça s'en revient d'après, ça fait monter le reste de l'océan, donc le reste de l'humanité. C'est pourquoi l'humanité goûte de ces choses, puis à un moment donné, on recherche le gars qui a monté. Tu sais, on veut suivre le même chemin que lui. On n'a pas à suivre le même chemin que lui. Donc, le phénomène évolutif se fait comme ça. C'est qu'on a de l'énergie, mais les choses vont lentement. Faut donc comprendre juste ce principe de l'évolution. L'être humain souffre pourquoi? Pour la simple raison que dans sa maudite tête, comme dans son maudit cœur, et effectivement, l'humain va dire, quoi, mon maudite tête? Ben, c'est ça qui fait souffrir. Donc, dans votre bonne tête. Puis mon maudit cœur, ben, c'est ça qui fait souffrir aussi. Fait que dans votre bon cœur, n'est-ce pas? Donc, vous êtes parfait et impeccable, sauf que vous souffrez à en mourir. Ce qu'il faut comprendre, c'est que là, l'être humain est conçu de façon à accumuler de la mémoire, parce que la première forme d'énergie que l'humain peut accumuler est sous forme mémorielle. Je prends une pomme, je la mange, j'accumule donc de l'énergie. Sous forme mémorielle, la pomme, c'est une mémoire d'énergie. Elle conserve sa forme. Sauf qu'il y a des particules là-dessus qui, justement, servaient de véhicule à l'énergie que je devrais éliminer. Évidemment, je vais donc à l'eau toilette. Le reste, je le conserve pour moi. Au niveau de l'âme, au niveau donc de la psychologie, l'homme accumule de la mémoire. Mais cette mémoire, le problème qu'elle a, c'est que pénétrant dans un âme vide, elle finit par... Bon, notre peau ici, il est vide, on met de l'eau dedans, et lentement, tout ce contenant ici est suffisamment énergisé, on va expliquer de quelle façon, qu'il finit par considérer que tout ce qui est à l'extérieur doit être comme ce qui est à l'intérieur. Alors, l'âme finit par se dire « tout est de l'eau », s'il y a de l'eau dedans. Chaque être humain ayant une vie particulière accumule de la mémoire, on appelle ça l'éducation, le milieu, et à partir de ces mémoires, l'humain est convaincu que ce qu'il y a à l'intérieur, c'est ce qu'il y a à l'extérieur. La première souffrance apparaît lorsqu'il y aura la friction entre la réalité et la mémoire. La souffrance est le refus d'une mémoire à la transformation. Alors, toi, tu as vécu comme l'homme, par exemple, Bouddha, dans un temple où il n'y a que du bonheur, de la richesse. Ben évidemment, tu es convaincu que la planète marche comme ça. Tu ne peux pas faire autrement parce que tu es de l'âme. Et l'âme, à la naissance, c'est vide. C'est un contenant vide, un contenant séraphique, disons vital, périsprique. Lorsque tu sors à l'extérieur, ben évidemment, tu es confronté à la réalité. Si tu ne veux pas accepter la réalité, ben tu vas faire comme dans plusieurs villes des pays sous-développés. Il y a une région riche, le reste, c'est de la merde. Alors, tu vis là-dedans, puis tout va bien. Bon, les gros hôtels sont là, les aéroports sont là, puis le reste, on n'en parle pas. Bon, l'être humain et chacun d'entre vous vivez ce phénomène. Et ça, faut réellement en prendre conscience, parce que sinon, la souffrance, vous allez continuer à vivre avec ça. On a tout ce que l'on veut à l'intérieur, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on est absolument convaincu que ce qui est à l'intérieur, c'est ça, l'extérieur. Alors, on va dire que c'est la vérité. Et lentement, on va amener des concepts de la vérité pour pouvoir les adapter à l'extérieur. Et là, chaque être humain va tenter, étant un être d'évolution améliorative, va tenter d'adapter l'extérieur à ce qu'il a à l'intérieur, parce qu'il se rend compte qu'effectivement, l'extérieur n'est pas en résonance avec l'intérieur. Alors, à un moment donné, tu sais que tu vois des films où on a Grizzly Adam, par exemple, un bonhomme qui vit dans les Rocheuses, puis tous les animaux viennent le voir, puis c'est amusant, ils jouent des gros grizzlies, ils leur grattent la bédaine. Bon. Alors, toi, tu t'en vas un jour en voyage dans les Rocheuses, tu n'as jamais sorti de Montréal, et les seuls animaux que tu as vus, c'est dans les zoos. Et puis, quand tu arrives dans les Rocheuses, ben là, quand tu vois un grizzly, ben évidemment, t'as une idée, il gratte la bédaine. Alors, tu vas gratter la bédaine du grizzly, puis c'est le grizzly qui te gratte la sienne. Non. Avec ses dents. Ou ses griffes, mais ses griffes, c'est des... Bon. Alors, donc, automatiquement, l'humain commence à avoir une souffrance psychologique, c'est-à-dire qu'il vit la désillusion. Vous allez dire que j'exagère, c'est ce que l'adolescent vit, c'est ce que l'enfant vit, et à un moment donné, il se rend compte que son père et sa mère sont des humains. Mais quand il découvre ça à 9, 10, 11 ans, c'est la désillusion totale. Lorsqu'à un moment donné, il découvre que les autres adultes sont des humains, lorsqu'il découvre que les professeurs, c'est des humains, ben il vit de la désillusion. Lorsqu'il découvre à un moment donné que la société, c'est pas comme dans Miami Vice, puis les policiers sont pas comme dans Chip, ben à un moment donné, il vit de la désillusion. Et ce phénomène engendre, évidemment, de la souffrance chez lui. Alors, chaque individu décide de changer un peu les choses. C'est pourquoi on aura notre maison, puis on tient tant à notre maudit espace vital, son sac à dos miséricordieux, de mémoire avec la réalité. Toute souffrance est reliée à ça. Ton patient vient te voir, mal aux dents. Tu regardes la bouche, il n'a plus de dents. Et mal pareil. Il y a une souffrance. Puis là, si tu dis, le patient, il vient te voir, tu fais combien de temps que t'as mal là? Ça fait 2 semaines. Puis tu te rends compte que le patient, si tu lui dis, je peux pas rien faire, tu vas voir que psychologiquement, il va souffrir en maudit, ça va transpirer. Il va gueuler, il va se passer quelque chose. Donnez-moi quelque chose, je t'écœuré, donnez-moi n'importe quoi. N'importe quoi. Puis souvent, tu vas entendre ça, les médecins. N'importe quoi. N'importe quoi, c'est pas grave, tu sais, tuez-moi même s'il le faut. Souvent, les médecins le font remarquer. Tous. Bon. Alors, ce qu'il faut juste comprendre, c'est qu'à un moment donné, le patient, qu'est-ce qu'il a besoin? C'est qu'à force d'avoir cette souffrance maudite, lui, dans sa tête, dans son cœur, dans son âme, au niveau de son ego, il ne devrait pas souffrir. Mais étant donné que cette mémoire, ce concept en friction avec la réalité, il souffre, c'est ça qui fait qu'il y aura une souffrance psychologique. Le refus total de la réalité. De quelle façon l'être humain souffre-t-il psychologiquement? C'est pas compliqué. Il refuse carrément la vie. Simple. On souffre pourquoi? Parce qu'on refuse la réalité. L'humain va dire, oui, mais si on accepte la réalité comme elle est, on n'est plus humain. Ben, t'es après. C'est-tu bien grave de plus être humain? Si l'humain souffre, c'est comme si on dirait « Les sauvages tirent les bonnes femmes par les cheveux puis les amènent dans les cabanes pour faire l'amour. » Mais si on le fait plus, on est plus sauvage. Non, puis après? Bon, mais si on souffre plus, on est plus humain. Non, puis après? Ça change quoi? Si quelqu'un est heureux sur la planète, c'est pas un être humain. Parce que l'humain, c'est pas un être heureux. C'est un être qui recherche d'être heureux. Mais c'est pas un être qui est heureux. Tu sais, c'est... Fait que souvent, on va dire, l'erreur est humaine. Mais c'est ça, celui qui fait pas d'erreur, pas humain. Bon. Ah oui, mais les souffrances, c'est humain. C'est ça, celui qui souffrait plus, pas humain. Mais l'être, l'homme ancien, l'homme transitif, veut être normal. Alors, quel est le plus beau compliment que l'orgueil de l'homme s'est donné? Ben, d'être un être humain. Eh oui. Et puis, pendant ce temps-là, il vise à être Dieu, il vise à être divin, il vise à être surhomme, il vise à être tout ce qui est pas humain. Fait qu'il faut qu'à un moment donné, il se branche. Le refus de la réalité. Ouais, mais tu deviens un robot si tu acceptes la réalité comme ça? Oui, sauf si tu es intelligent. Ou intelligente. Alors donc, tu sors dehors, et puis le voisin, arrosant son pot de fleurs, il met trop d'eau dedans, puis ça coule sur ta tête. Si tu es un homme nouveau, ben quand l'eau arrive sur la tête... Un homme ancien, il verrait une bénédiction de Dieu. Bon. Mais un homme ancien tout court, il chiolerait, il sacrerait, il dirait des bêtises à l'autre. Et dépendant de sa nationalité, il irait même jusqu'à grimper en haut pour y casser son pot de fleurs sur sa tête. Bon. Alors, celui qui ne souffre pas, tu sors, ça te tombe sur la caboche. Ça s'est tombé sur sa tête. C'est la réalité. Alors, pourquoi la refuser? Pourquoi continuer à dire que tu es orgueilleux comme que je suis? Moi, ça devrait pas m'arriver. C'est pas ça que l'être humain pense, mais c'est ça qu'il exprime. Alors là, il prend toute son énergie, là, bon, c'est ça. Il souffre. Il accumule un stress, il accumule une frustration, il gaspille de l'énergie vitale, il gaspille de l'énergie physique, parce qu'avec le système endocrinien, il bousille carrément son corps avec ce paquet d'expressions. L'homme nouveau sort, ça tombe toute sa tête. Il regarde en haut, il voit un pot de fleurs. Il trouve ça comique. Il va avertir la personne de faire attention parce qu'à un moment donné, il y aura bien un homme ancien qui recevra de l'eau. Mais pourquoi refuser la réalité? Posez-vous la question de temps en temps. Maintenant, accepter la réalité ne veut pas dire de ne pas corriger la chose. C'est ça qu'il y a. L'homme ancien qui accepte la réalité devient un zombie, devient un robot, devient un hyper-haut-spiritualiste qui vous attend ses bouches de métro pour vous vendre de l'amour. Mais l'homme qui est intelligent, la femme qui est intelligente, l'enfant qui est intelligent, ne peut pas chioler sur le fait que l'eau est sur sa tête. C'est sur sa tête. Maintenant, on va corriger le phénomène. Puis pas en criant, ce n'est pas une correction. On va corriger le phénomène. Alors donc, accepter la réalité ne veut pas dire ne pas altérer les choses. Tu as un accident de char, mais tu dis pas « Nirvana ». C'est initiation. C'est spiritualiste. Mais l'homme ancien va sortir, va shaker. J'ai déjà vu un gars, à un moment donné, il fallait que je l'amène à l'hôpital, à l'époque où je travaillais sur les ambulances. Son auto était poqué en arrière, sur le côté, sur le devant, puis sur l'autre bord. Mais ça, c'était avant l'accident. Bon. Et puis, à un moment donné, ben, on était sur un feu rouge, et puis il y a un autre char qui est rentré dedans, puis il a cassé sa lumière. Le gars sort dehors, « Mon auto! » Puis là, il a fait le tour de son char 4-5 fois, puis il s'en allait sur la rue. Il fallait qu'on l'amène, parce que là, il allait se faire frapper. On l'a amené à l'hôpital pour choc nerveux. Puis quand on est revenu après ça sur les lieux de l'accident pour, bon, on était témoin, fait que pour la police, ben là, on a regardé son auto. Puis c'était comme un qui était déjà tout poqué. Ce gars-là vivait comme un être ancien, c'est-à-dire qu'il souffrait. Son auto, c'est pas ça le problème, c'est qu'il refusait la réalité. Refuser la réalité, c'est un synonyme de souffrance. Et lorsque l'être humain se conscientise, non seulement il a une affinité plus sensible à vivre avec la réalité, ce qui le fait encore plus chier. Tu sais, quelqu'un vient de parler, tu te dis, sacrebleu, je t'ai encore manipulé. Ouais, il y a 5 ans, tu le voyais pas, fait que tu y allais, t'es heureux. Il y a donc l'être humain qui se conscientise a une sensibilité accrue à voir la réalité. Et étant donné qu'il a une sensibilité accrue à voir la réalité, il a aussi une sensibilité accrue à la mémoriser, donc à la tuer. Alors, il se bâtit concept sur concept, des concepts de plus en plus puissants, de plus en plus subtils, de plus en plus apparemment destructibles, qui ont une tendance à se rapprocher de plus en plus de la réalité, mais qui finalement n'atteindra jamais la réalité. Alors toi, à un moment donné, tu vas commencer ton évolution, tu vas te dire, là, avec tout ce que j'ai, là, je suis. Mais avec le fait que tu le dis, t'es pas. T'es orgueilleux, t'es un homme ancien. Mais là, l'être humain se dit, là, maintenant, là, tu sais, j'ai telle technique de méditation, il y a ceci, il y a cela, tu sais, veut dire, quand je transpire, ça sent les pommes, bon, je suis. Et là, tu sors dehors, tu es. Les portes des métros s'ouvrent juste quand t'arrives. Tu rentres dedans et ça referme, puis il t'écrase une patte. Là, le je suis, ben, il y a une souffrance qui commence encore. Pourquoi? Parce que t'étais tellement sûr que ton concept était la réalité que quand tu te rends compte encore une fois, tu sais, hostie, qu'après 25 ans, t'es encore fourré, ben, tu souffres en tabarnouche. Ça veut dire qu'il faut toujours être aux aguets de l'intelligence dans la souffrance. Chaque fois qu'on souffre, faut voir l'intelligence en arrière de ça. Non, ça, c'est la spiritualité. Chaque fois qu'on souffre, faut voir la stupidité en arrière de ça. Pas l'intelligence. Chaque fois qu'on souffre, si on voit l'intelligence en arrière de ça, on accepte la souffrance. Faut pas accepter la souffrance, c'est con, la souffrance. L'idée, c'est que quand tu souffres, tu te dis pas « ça, tu souffres encore! » Là, tu souffres deux fois plus. Quand tu vois que tu souffres, observe-toi. Il y a quelque chose quelque part que tu refuses. Tu vois pas l'intelligence dans la souffrance. L'intelligence, souffrance, en ce sens que ça réussit à faire évoluer l'homme ignorant. Mais celui qui comprend la mécanicité de cette chose peut pas dire « Bon, je souffre! Hey, ça, c'est intelligent, c'est au bout de qu'est-ce que j'ai à apprendre? » Ça, c'est de la spiritualité. Non, tu souffres, il y a quelque chose sur lequel tu résistes. Ton serin est mort, tu souffres, tu résistes. Tu veux pas qu'il soit mort, tu veux qu'il soit là. Tu souffres. Ta mémoire refuse la réalité. Il y a un refus de réalité, il y aura souffrance. Ça peut être une personne que tu connaissais qui est décédée. Ça peut être ton auto, ta maison. Ça peut être le fait que tes enfants s'en vont. Ça peut être le fait que tu perds un membre. Ça peut être le fait que tu as le sida. Ça peut être le fait que ta maison brûle. C'est pas comique le sida, c'est même dramatique. Ça peut être le fait que, etc., etc., etc. Mais toutes les fois que vous refusez la réalité, il y aura souffrance. Mais l'orgueilleux homme ancien va se dire « C'est normal !» Oui, pas intelligent pour autant. Mais c'est normal de souffrir. Tant donné que l'humain va être collectif et qu'il veut toujours être chopé par en haut, commences à être un peu heureux, là, faut que tu te dises, les autres, le sont-tu? Non, bon, ben, sens-toi coupable de l'être, parviens comme tout le monde. C'est comme ça l'évolution du bonheur chez l'humain. Tu sais? Oui, mais pourquoi moi, ça marche? Pourquoi les autres sont malheureux? Ben, c'est ça. Alors, deviens malheureux, peut-être que tu vas être heureux. Mais est-ce qu'on peut évoluer sans souffrir? Selon toi? Non. Pauvre toi. Moi, c'est la souffrance qui m'a fait chercher. Oui, parce que t'étais pas quand assez intelligent. Quand je souffre pas, je suis pas bien. Quand tu souffres pas, tu souffres. Je souffre de pas souffrir. C'est ça. C'est la souffrance qui t'a forcé à évoluer, c'est normal, parce que tu étais à l'époque un être intellectuant. Un être qui n'était pas intelligent. L'intellectuant, c'est ce qu'on appelle l'intelligence dans nos sociétés orgueilleuses. Être intelligent, c'est autre chose qu'être intellectuant. L'intelligence de l'homme de notre société, ce que j'appelle moi l'intellectuance, est fonction de ce que vous avez appris et est fonction de votre faculté de vous rappeler. Tu apprends de la physique, tu sors à ton cours, tu arrives à l'examen, tu te rappelles plus de rien. On va dire que t'es pas intelligent. Faculté de se rappeler. Si tu n'as pas appris ceci, cela et cela et cela, tu ne pourras pas faire certaines synthèses entre ça, donc légiférer sur les choses, et on va dire que t'es pas intelligent. Ça, c'est l'intellectuance. C'est tributaire de la mémoire et de la faculté de se rappeler. La faculté, évidemment, d'associer les choses, mais les choses qu'on a en mémoire. L'intelligence, qu'elle a d'intéressant et d'intelligent, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir de mémoire pour être capable de s'en servir. Ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire que lorsque vous avez besoin de savoir une chose, vous le savez. Mais l'intellectuance fait que tu dois apprendre une panoplie de choses au cas où tu n'aurais besoin. C'est là que l'être humain se fourre carrément. Pour l'instant, c'est essentiel, ça permet la création du désir, qui lui va pousser l'humain dans la vie à vouloir que son désir se réalise. Cela va pousser l'humain à avoir à vivre des désillusions. Donc, il va se rendre compte que ses désirs ne sont pas assouvis. Cela amène l'être humain à souffrir. Cela amène l'être humain à vouloir que encore plus que son désir marche. Cela crée le mental chez l'homme. Et le mental est la seule partie vibratoire qui peut entrer en contact avec l'esprit ou l'énergie supramentale. Et c'est là que l'ego maintenant doit commencer à s'en aller. Donc, il y a une intelligence au phénomène de la mémoire et de l'apprentissage jusqu'à un certain point. La souffrance botte le cul des gens pour la simple raison que l'être humain, qui justement ne fout rien, n'a pas suffisamment de vibration, d'énergie, d'intelligence chez lui pour comprendre l'intelligence de l'amélioration. C'est-à-dire que l'humain a toujours eu besoin d'une carotte. On n'appelle pas ça carotte, on appelle ça un but dans la vie. Bon, l'humain a toujours eu besoin d'un but dans la vie. Si l'humain n'a pas de but dans la vie, ben l'humain, il est écrasé, puis il fait plus rien, puis il se demande pourquoi il vit. Si l'humain a un but dans la vie, le but, c'est intéressant parce que l'homme a besoin simplement d'un but, une carotte. L'homme ancien. L'homme transitif en a encore besoin, c'est intelligent. L'homme nouveau n'aura plus besoin. Et ce sera intelligent aussi. Le but peut être en arrière, jamais en avant. La majorité des humains ont un but en arrière, pas en avant. Or, le but va être fuir la souffrance. Le but va être fuir les malheurs. Le but va être fuir sa jeunesse. Le but va être fuir sa femme ou son mari. Rarement, le but est en avant. Mais même si on place un but en avant, devenir Dieu. Bon. 15 mètres jusqu'aux oreilles. Hein? Bon, devenir Dieu. Ce but-là, qu'est-ce qu'il est? Est-ce qu'il est intelligent? C'est-à-dire, est-ce qu'il a été intelligencé par l'humain? Les buts dans votre vie, la majorité aujourd'hui... Je vais vous donner un exemple assez intéressant. Quand on parle, je dis que l'homme nouveau n'a pas besoin de but. Une personne transitive peut avoir un caractère nouveau, un caractère ancien, un caractère nouveau, trois caractères anciens, deux caractères nouveaux, un caractère ancien. Il faut comprendre ça. Donc, chez vous, vous avez tous des caractères nouveaux et des caractères anciens. Il y a une lutte entre les deux, d'ailleurs, qui amène la souffrance mentale. Mais il y a beaucoup d'entre vous qui présentement vivaient sur la planète Terre et qui n'avaient pas de but dans la vie. Puis ça vous empêche pas de vivre. C'est un caractère fondamental de l'homme nouveau. Alors, il ne faut pas penser qu'effectivement, ça se peut pas de vivre, pas de but. Mais l'homme ancien a besoin d'un but dans la vie. Ce but est la carotte. Si on pose des grosses questions, ben, ben plates et ben connes à poser, pourquoi évoluer? Pourquoi vivre? Parce que l'on parle de la souffrance, c'est évident. L'être humain a tellement peur de la mort qu'il continue à vivre même s'il souffre. C'est pour ça qu'il a peur de la mort. Parce que s'il n'avait pas peur de la mort, évidemment, il fuirait la vie avec la souffrance puis il se tuerait. Pourquoi on vit? Pourquoi on souffre? Pourquoi on évolue? Pourquoi l'évolution? C'est quoi la finalité? C'est quoi la raison intelligente? Pour plaire à un dieu? On pourrait dire ben, que ça fait ta vidéo puis qu'il se laisse seul. Tu sais, que c'est juste de jouer avec nous autres. On veut des raisons. Lorsque l'être humain ne peut pas intelligencer de raison, il décide de se prendre suffisamment au sérieux qu'il décide de gérer la raison. Alors, dans la vie, je veux avoir un empire financier, d'une raison de vivre. Je veux avoir des enfants, puis je veux qu'ils soient heureux plus tard. Raison niaiseuse, mais c'est une raison pareille. Je veux être médecin. Je veux être ceci. Je veux être belle. Il y a une peine de plus de raison dans la vie. T'sais, je veux vivre au moins assez longtemps pour voir Michael Jackson revenir à Montréal. T'sais, ou encore, je veux toutes les drogues avant de mourir. Je sais pas, moi, je veux voir Rome. Il y a différents points. Le phénomène, c'est que l'humain décidant lui-même d'un but sans comprendre la mécanicité extrême de son évolution. Le but majeur pour l'humain, c'est d'être heureux ou d'être en paix. Et ça ne doit pas être des buts. Ça doit être des chemins, mais pas des buts. On peut pas atteindre ça. On peut cheminer avec, on peut pas l'atteindre. C'est comme dire, j'aimerais rencontrer Dieu. Dieu est un état. Tu ne peux donc pas rencontrer un état. Tu peux devenir un état. Mais lorsque tu deviens un état, tu ne sais pas que tu es l'état. Parce que Dieu ne se dit pas, sac, j'ai rencontré Dieu. Et Dieu dit pas ça. Fait que la journée que tu deviens quelque chose d'autre, ce que tu recherchais, tu le recherches plus. Puis tu le sais pas que tu l'as trouvé. Ça, c'est important. Donc, notre être humain, lui, a besoin de la souffrance pour la simple raison que, déterminant lui-même son chemin, il se frotte continuellement à la vie. On décide qu'on veut bâtir des villes grandes et belles. Il y aura automatiquement dans ces villes grandes et belles de la pollution, des accidents, des problèmes, une criminalité. Il y aura ceci, il y aura cela, il y aura etc., etc., etc. Étant donné que l'être humain n'est pas conséquentiel de ses actes, l'homme ancien, l'homme transitif, l'être ancien, l'être transitif n'est pas conséquentiel de ses actes, évidemment, tout ce qu'il fait a toujours une tendance, régie par l'espoir, à être frictionné sur des choses, qu'on appelle aussi le karma. L'être humain étant orgueilleux, il veut toujours faire par-dessus les autres. Mais les autres font partie de ce qui va paramétrer son action. Alors toi, quand tu souffres, tu as au moins une raison intelligente d'évoluer. Cesse de souffrir. Lorsqu'il n'y a plus de souffrance, tu n'as plus de raison. Et tu deviens un peu malheureux, nostalgique, disons. Alors regarde la foutaise. Mon but, cesse de souffrir. Puis quand tu cesses de souffrir, si bois, je t'aimais quand je souffrais. Alors ça peut pas être un but. Parce que jamais tu ne voudras consciemment l'atteindre. Tu vas heureux, malheur, heureux, malheur, heureux. Ce qui t'intéresse, c'est de monter vers le bonheur. Quand tu l'as, tu t'écrases. Puis là, yahoo, on monte vers le bonheur. Puis quand tu l'as, tu t'écrases. Puis là, on recommence encore. Ça, il y a beaucoup d'êtres humains qui fonctionnent comme ça. Mon but, c'est d'être en santé. C'est rare que les humains disent ça. Mon but va être de guérir. Mais quand t'es en santé, tu peux plus guérir. Tu sais, ça fait 30 ans que tu luttes contre un cancer du poumon. Une fois qu'il guérit, ben qu'est-ce que tu fais? Tu te promènes un peu à la télévision, tu te promènes dans les journaux un peu pour dire au monde que t'es guéri ton cancer du poumon, là. Mais lentement, tu dépéris. Parce que ton but n'est pas la santé. Ton but était de guérir. L'être humain va souffrir parce que l'être humain ne comprend pas l'intelligence de l'amélioration. Pour comprendre l'intelligence d'amélioration, c'est pas d'écouter ce que Daniel Kim dit. C'est simplement de faire un petit travail chez soi. Puis c'est important de le faire parce que la souffrance, il faut voir la fin de sa souffrance. Si on comprend l'intelligence des choses, ben évidemment, la souffrance, il n'y en a plus. Évidemment, il y aura une chose. Il ne faut pas oublier que l'être humain est un ego, donc un âme, hyper programmé et programmable. Et il y a la partie mentale chez lui qui est aussi programmable et qui peut, à un moment donné, programmer l'âme. Donc, tu découvres qu'effectivement, et ça, j'aimerais ça, ce serait intéressant que les gens comprennent, que la souffrance, que toutes les hosties de souffrance que vous vivez naissent d'un refus de la réalité. C'est simple, là, c'est quasiment un petit bonbon. Tu sais, tu viens à une conférence, tu payes 10$, puis on le dit que, bah, c'est parce que vous refusez la réalité. OK, bye-bye! Ça, mais faut voir clair. On voit pas clair. Là. C'est ça. Mais faut qu'on commence avec juste ça. Juste se répéter, voir, ça fait du sens. On va faire un petit travail. Prouve-moi que c'est pas ça, la souffrance. Tant de voir clair, là. Bon, ben, c'est ça. Amène-moi des souffrances qui... Ben, nomme-moi un paquet de souffrances que tu peux te passer par la tête. Je vais t'expliquer comment c'est un refus, là. Vas-y, t'es la capable, peur, t'es un gars qui aime ça souffrir. Les souffrances psychologiques les plus importantes. La peur, la honte... Une à la fois. La peur. La peur est une souffrance. La peur, est-ce que c'est réellement une souffrance? C'est très souffrant pour ceux qui sont étouffés par la peur. Qu'est-ce que t'en sais? Ils peuvent pas avancer. Qu'est-ce que t'en sais? Puis là, tu parles pour les autres, c'est pour ça. Là. D'avoir vécu moi-même des peurs que j'ai surmontées. J'ai vécu la souffrance de ça. Qu'est-ce qui était souffrant? La peur ou le fait que la peur était là? Question fondamentale, il faut fouiller dans sa caboche à un moment donné. Qu'est-ce qui était souffrant? Ta peur? Ou ce qui était souffrant, c'est que ça te faisait chier d'avoir peur? C'est ça, oui. C'est la peur qui était une souffrance ou l'observation de la peur? L'observation de la peur. Donc, la peur n'est pas souffrante. Ah, c'est une chose. Ceux qui ont peur, vous souffrez pas. Effectivement, la peur, c'est une autre chose. La peur va venir non pas d'un refus de la réalité, c'est un peu un refus, mais la peur naît surtout d'une projection de l'intérieur vers l'extérieur, une projection qui n'est pas un refus réel, mais qui va être une réaction à la tentative de transformer l'extérieur par rapport à son concept, ce qui amène une perte d'énergie extrêmement intéressante au niveau de l'âme, qui engendre automatiquement une succion au niveau physique, qui normalement, cette succion vitale va se répercuter par une réaction anti-choc du corps physique, la réaction endocrinienne qui fait que ta peur va paraître. Et la lecture de ça, si tu as le concept du courage ou le concept, c'est là que tu vas refuser la réalité. Et la réalité, c'est la mécanicité de la peur qui est chez toi. La souffrance va naître que tu as le concept que tu ne devrais pas avoir peur, de l'observation de la réalité que tu as peur. Et la souffrance naît d'un refus de la peur et non pas de la peur elle-même. La peur n'est pas une souffrance, mais de vouloir refuser le fait qu'on a peur, c'est une souffrance. La peur, ce n'est pas intéressant non plus. La peur, c'est un frein qui empêche l'humain d'avancer plus vite que ce que la souffrance le pousse. Bon, sauf la peur aussi, à un moment donné, l'être humain arrive à vivre sans peur. L'instant où la souffrance décolle, la peur décolle. Mais la souffrance, la peur n'est pas une souffrance. Mais pour mettre fin à ces souffrances, faut-tu les passer une après les autres puis les traiter? Faut-tu faire des thérapies? Ça dépend des individus. Ça dépend du niveau d'énergie, de conscience ou de compréhension d'un individu. On peut faire des thérapies. Sauf que c'est plutôt des thérapies intelligentes qu'il faudrait faire. C'est-à-dire, comme ce soir, ça peut être une thérapie. Bon, faut juste essayer, puis si chacun peut faire son autothérapie, juste voir, tu souffres, observe. Est-ce que c'est un refus de la réalité? Imaginez-vous que c'est pas intelligent de refuser la réalité. Pas dire que c'est ben brillant. Oui, mais c'est humain. Ben, changeons. Devenons surhumains, devenons n'importe quoi d'autre, devenons d'autres choses. L'humain, chaque fois que vous avez une souffrance, oh, peut-être que quand on souffre énormément, on n'est pas en état d'observer, ouais, c'est parce qu'on refuse l'élastie de réalité, tu sais. C'est ça, rien que le terme lui-même te le définit toi-même. T'sais. Alors, tout ce qu'il y a, c'est que chaque fois que vous souffrez ou que vous avez souffert, faites juste observer, posez-vous la question. Est-ce que c'était un refus de la réalité? Je tiens à ce que ça, les personnes ici le comprennent, parce que là, si on le comprend, on va voir la fin de sa souffrance. C'est évident. On va dire, oui, mais ça va servir à quoi? Ça va servir que toutes les fois que vous allez voir que c'était un refus, vous éduquez vos égos. Ben, s'instruire soi-même comme ça, fait qu'à un moment donné, tu te rends compte que tu souffres moins. À un moment donné, que tu souffres plus. C'est tout. T'essaies pas de contrôler ta souffrance, ça crée une autre souffrance. Continue, d'autres peurs, d'autres conneries, vas-y. Ben, l'insécurité. Est-ce que l'insécurité est une souffrance? Oui, certainement. Oui, bon, l'insécurité est une souffrance pour la simple raison que l'ego, encore une fois, constate que ce qui l'abreuve en énergie, son amant, son amour, son argent, sa job, etc., que ce qui l'abreuve en énergie, que le cadre connu mémoriel dans lequel il vit, tout à l'heure, je te parlais des petits bibelots de ta maison, etc., bon, une personne qui se fait tout voler, elle dormira pas chez elle ce soir-là. Elle regarde sa cabane qui est toute vide, la sécurité est partie. Bon, l'insécurité peut naître d'une façon humaine, t'es inquiet, hein? Il manque quelqu'un, il y a le divorce, il y a ceci, il y a cela, comme elle peut naître au niveau de la structure matérielle et aussi au niveau de la structure spirituelle. Dieu t'a abandonné, ou ben non, Jarkul t'a sacré là, ou etc. Bon. Alors, ce qui arrive, c'est que cette insécurité va naître, la souffrance qui va naître de l'insécurité est simplement le refus de l'ego d'accepter que le cadre dans lequel il est soit un cadre autre, neuf. Une personne vient de mourir, tu souffres insécurité souvent, par refus de la réalité. Premier refus, que la personne soit partie. Deuxième refus, c'est que tu pourras plus t'en servir. Tu refuses cette réalité. Donc, cette insécurité naît encore une fois du refus de la réalité. Maintenant, ce qui est important, c'est que ce n'est pas parce que vous êtes chez vous un soir absolument insécure, après avoir vu une vue ou quelque chose, puis là, vous vous dites, bon, c'est parce que je refuse la réalité. Mais ça réglera rien chez vous. Vous devez comprendre quelle réalité vous refusez. Là, je l'explique un peu comme ça. C'est quelle réalité vous refusez? Faut pas que ça devienne un mot-clé spirituel. Bon, ça y est, je souffle, là, parce que je refuse la réalité. intéressant, Woody. Quelle réalité tu refuses? Ben, la réalité de la vie. Eh, si, ouais. Tu sais, écoutez la cassette une autre fois. Faut qu'on puisse mettre un mot là-dessus. L'humain va dire, ouais, mais ça devient compliqué. Faut toujours qu'on pense. Faut toujours que tabarnouche. Quand vous allez louer une vidéo, vous pensez en maudit lequel louer. Bon, ben, c'est le même phénomène. On devrait être capable de mettre un peu d'énergie pour nos propres problèmes. Comprendre quelle réalité on rejette. Je prends de l'eau, puis encore, tabarnouche, encore la même eau. Répétition, fait 20 fois comme sert la même eau rouillée. Ben là, je refuse la réalité. Donc, moi, souffrir. Faut savoir qu'est-ce qu'on refuse. Puis normalement, si on est capable de mettre les points là-dessus, de le voir clairement, souffrance, et puis là, tout de suite, est parti. D'autres souffrances? Qu'est-ce que tu fais de souffrance, l'ultime, la dépression profonde? Une bon, personne qui a souffert tellement, qui a accumulé tellement, là, qui ne peut plus s'en sortir. Peut plus s'en sortir. Disons que ça, c'est peut-être... diagnostic. Voit aucune ressource. Un médecin, mais... OK. Parce qu'ils peuvent s'en sortir. Bon. Une personne qui fait une dépression est une personne que tu ramasses à la cuillère un peu tard. L'accumulation de souffrance finit par désagréger l'ego. Désagréger les mémoires volatiles de l'âme, l'expérience. C'est-à-dire que finalement, à force de mémoriser la souffrance, tu finis par plus avoir de mémoire de bonheur. Lentement, tout cela s'exprime par l'être humain, qui fait que cette souffrance n'est plus souffrante, la dépression totale n'est pas souffrante. La personne qui est en dépression totale ne souffre pas. Elle exprime des choses qui sont comme ça chez elle, mais elle est carrément aliénée mentale dans la période de dépression. Alors, elle est curable, évidemment, parce que le cerveau reste intégral, sauf évidemment si soit la médecine ou encore le patient se détruit. Mais elle, la personne qui est en totale dépression ne souffre pas. Elle pleure régulièrement, elle a des crises régulièrement, des crises de nerfs régulièrement, mais elle n'a pas énormément de souffrance. Parce que si elle aurait de la souffrance, prends une personne qui est en totale dépression, puis tu lui dis, « Toi, le jour, je rentre, puis je te lime les dents. » Vous devriez essayer ça, les médecins. « Toi, le jour, je viens, puis je te passe trois coups de lime ses dents. » Tu verrais qu'il y a de grosses dépressions nerveuses qui seraient guéries. C'est un fait. Pourquoi? Parce que la personne ne veut plus rien savoir de rien. Mais là, la souffrance commence à rentrer. Mes prochains cas de dépression, je vais les envoyer chez le dentiste. Non, c'est sûr que c'est intéressant ce que je dis là. C'est pas une médecine pour tout le monde. Mais effectivement, lorsque la personne... Il y a beaucoup de dépressions nerveuses qui cessent carrément s'il y a une guerre qui éclate. Ça. Je veux mourir! À un moment donné, sac, je peux mourir! Ben là, là, la dépression, là, tu commences à souffrir. Là, que t'as pas que ça te botte le cul, tu recommences à évoluer. Tu commences à vouloir vivre. Tu déplaces son centre d'intérêt. Exactement. Sauf que là, la souffrance, elle est tellement mémorisée chez elle, la souffrance conventionnelle, qu'elle ne la souffre plus, ça fait partie d'elle. Faut que tu lui amènes quelque chose d'autre. Pas une petite piqûre, pas quelque chose de même, quelque chose qui finit par amener de l'angoisse. Là, elle commence à souffrir. Là, elle va recommencer à grimper. La personne veut se suicider. Elle veut se suicider. Elle veut se suicider. À un moment donné, elle se rend compte à l'hôpital que son fils aussi a voulu se suicider. Oh, tabarnouche, là, elle a une raison de vivre. Et là, elle veut pas que son fils se suicide. Là, elle va s'en occuper. Là, la souffrance. Là, elle a fini, elle. C'est l'autre. Bon. Il y a toute une panoplie de cossins comme ça qui fait que si tu revis toujours le même genre de souffrance, ça finit par ne plus t'énergiser. Vu que tu n'en souffres plus, même si tu continues à mémoriser ces souffrances apparentes, mais elles ne sont plus souffrantes pour toi, vu que tu es en dépression, le fait de continuer à les mémoriser fait qu'à un moment donné, tu ne goûtes plus la souffrance, ne goûtant plus la souffrance, tu es un homme ancien, tu n'auras plus de raison de vivre. Et d'où la dépression totale. Mais si tu as une raison de vivre, qu'elle peut être souffrante ou n'importe quoi, tu vas vouloir la fuir, la souffrance. Sortir de l'asile, l'hôpital. Bon. Alors donc, faut comprendre que ça se guérit bien. C'est une souffrance qui n'est plus souffrante à la fin, puis tu lui redonnes une vraie souffrance, elle va repartir son cheminement. Mais l'homme nouveau dont on parle, il va être en évolution, lui, ici. Il va donc souffrir? Non. Pourquoi? Parce que c'est relatif, la souffrance. C'est relatif, la souffrance, oui, mais ça n'empêche pas qu'à un moment donné, il ne puisse y en avoir la souffrance. Bon. Tu sais, je veux dire, les distances, c'est relatif. Mais deux choses qui sont en même place, il n'y a pas de distance. Distance relative ou non, il n'y a pas de distance. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'homme ancien souffre parce que c'est la seule raison qu'il porte à vouloir évoluer, fuir la souffrance. Sauf que si on comprend le fait que cesser de refuser la réalité, c'est d'être instantané, ben être instantané fait qu'automatiquement, tu es un homme nouveau. Être instantané veut dire que tu commences déjà au moins à goûter la vie, ce que l'homme ancien fait pas souvent. Il n'y a pas grand monde ici qui savent ce qu'est la vie. C'est pas le bonheur, c'est pas une jouissance incommensurable, c'est bien plus que ça. Mais il n'y a pas de mots. Bon. Alors, ce qui arrive, c'est que l'homme nouveau, lui ayant la compréhension intelligente de l'amélioration, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il voit que son corps physique a besoin de conditionnement physique, il va en faire. Il n'y a pas besoin de souffrir l'embonpoint ou le mal au genou aussi pour faire du conditionnement physique. Bon, l'homme nouveau, à un moment donné, regarde des choses et il a une compréhension instantanée, étant donné qu'il est en résonance avec la réalité. Cette compréhension instantanée fait qu'il évolue. Mais il n'y a pas besoin de souffrir, parce qu'il est déjà dans le maximum. Exactement comme si tu t'agrippes toujours un peu après le train qui passe. Ben, tu souffres. Mais toutes les fois que tu arrêtes, quand tu t'agrippes, là, tes pattes lèvent, fait que tu touches plus à terre. Quand tu lâches le train, balingue, balingue, balingue, tu souffres, tu pognes après le train, hop, bon. Ben, l'homme nouveau lui monte carrément à bord. Il n'a plus besoin de souffrir. Maintenant, il avance. Si vous avez des questions sur des souffrances particulières, sur la réalité, sur des mots que j'ai dit ce soir, ou sur n'importe quoi, on les scribouille sur du papier. Puis Claude va me les poser à la deuxième partie. Puis moi, je vais m'amuser à y répondre. Merci beaucoup, Daniel. Donc, comme mentionné tantôt, la cassette de cette première partie est disponible et gratuite à l'achat de votre billet.